D'où vient le fromage? Il est délicieux. Le fromage vient d'Auvergne. C'est du bleu d'Auvergne. Ah, d'accord. Et d'où vient le vin? Le vin vient de la région de Bordeaux.